La jeune femme, rendant grâce en elle-même au ciel de ce hasard, voulut garder Steedman afin d'avoir des détails sur la soirée de la veille. Steedman s'inclina pour remercier la comtesse de cette faveur. Madame Steinbock sonna, la cuisinière vint, elle lui donna l'ordre d'aller chercher monsieur à l'atelier. « Vous êtes-vous bien amusé hier ?» dit Hortense, « car Venceslas n'est revenu qu'après 1 heure du matin. »« Amusé ? Pas précisément, » répondit l'artiste qui la veille avait voulu faire Madame Marneff. « On ne s'amuse dans le monde que lorsqu'on y a des intérêts. Cette petite Madame Marneff est excessivement spirituelle, mais elle est coquette. » « Et comment Venceslas l'a-t-il trouvée ? » demanda la pauvre Hortense en essayant de rester calme. « Il ne m'en a rien dit. »« Je ne vous en dirai qu'une seule chose, » répondit Steedman, « c'est que je la crois bien dangereuse. » Hortense devint pâle comme une accouchée. « Ainsi, c'est bien chez Madame Marneff, et non pas chez Chanor que vous avez dîné, » dit-elle, « hier avec Venceslas. » Et il... Steedman, sans savoir quel malheur il faisait, devina qu'il en causait un. La comtesse n'acheva pas sa phrase, elle s'évanouit complètement. L'artiste sonna, la femme de chambre vint. Quand Louise essaya d'emporter la comtesse Steinbock dans sa chambre, une attaque nerveuse de la plus grande gravité se déclara par d'horribles convulsions. Steedman, comme tous ceux dont une involontaire indiscrétion détruit l'échafaudage élevé par le mensonge d'un mari dans son intérieur, ne pouvait croire à sa parole une pareille portée. Il pensa que la comtesse se trouvait dans cet état maladif où la plus légère contrariété devient un danger.